Chapitre 12e, le quatrain de Monsieur de Provence. Tandis que tous ces événements se passaient à Paris et à Versailles, le roi, tranquille comme à son ordinaire, depuis qu'il savait ses flottes victorieuses et l'hiver vaincu, se proposait dans son cabinet, au milieu des cartes et des maps-mondes, des petits plans mécaniques, et songeait à tracer de nouveaux sillons sur les mers au vaisseau de la Pérouse. Un coup légèrement frappé à la porte, le tira de ses rêveries, tout échauffé par un bon goûter qu'il venait de prendre. En ce moment, une voix se fit entendre. « Puis-je pénétrer, mon frère ? » dit-elle. « Monsieur le comte de Provence, le malvenu !» grommela le roi, en poussant un livre d'astronomie ouvert aux plus grandes figures. « Entrez !» dit-il. Un personnage gros, court et rouge, à l'œil vif, entra d'un pas trop respectueux pour un frère, trop familier pour un sujet. « Vous ne m'attendiez pas, mon frère, » dit-il. « Non, ma foi. Je vous dérange ? Non. Mais auriez-vous quelque chose à me dire d'intéressant ? Un bruit si drôle, si grotesque ? Ah, une médisance. Ma foi, oui, mon frère. Qui vous a diverti ? Oh, à cause de l'étrangeté. Quelque méchanceté contre moi ? Dieu m'est témoin que je ne rirais pas s'il en était ainsi. C'est contre la reine, alors. Sire, figurez-vous qu'on m'a dit sérieusement, mais là, très sérieusement, je vous le donne en 100, je vous le donne en 1000. Mon frère, depuis que mon précepteur m'a fait admirer cette précaution oratoire, comme modèle du genre, de Madame de Sévigné, je ne l'admire plus. Au fait, eh bien, mon frère, dit le comte de Provence, un peu refroidi par cet accueil brutal, on dit que la reine a découché l'autre jour. Il s'efforça de rire. Ce serait bien triste si cela était vrai, dit le roi avec gravité. « Mais cela n'est pas vrai, n'est-ce pas, mon frère ?»« Non. »« Il n'est pas vrai non plus qu'on ait vu la reine attendre à la porte des réservoirs. »« Non. »« Le jour, vous savez, où vous ordonnâtes de fermer les portes à 11 heures ?»« Je ne sais pas. »« Eh bien, figurez-vous, mon frère, que le bruit prétend. »« Qu'est-ce que cela, le bruit ? Qui est-ce ? Où est-ce ?»« Voilà un très profond, mon frère, très profond. »« En effet, qui est le bruit ? Eh bien... » Cet être insaisissable, incompréhensible, qu'on appelle le bruit, prétend qu'on avait vu la reine avec monsieur le comte d'Artois, bras dessous, à minuit et demi ce jour-là. Où ? Allant à une maison que monsieur d'Artois possède, là, derrière les écuries. Est-ce que votre majesté n'a pas ouï parler de cette énormité ? Si fait. Bien, mon frère. J'en ai entendu parler, il le faut bien. Comment, sire ? Oui. Est-ce que vous n'avez pas fait quelque chose pour que j'en entende parler ? Moi ? Oui, vous ? Quoi donc, sire, qu'ai-je fait ? Un quatrain, par exemple, qui a été imprimé dans le Mercure. Un quatrain ? Fit le comte, plus rouge qu'à son entrée. On vous sait, favori des muses. Pas au point de faire un quatrain qui finit par ce vers. Hélène n'en dit rien au bon roi Ménélas. Moi, sire ? Ne niez pas. Voici l'autographe du quatrain, votre écriture. Hein ? Je me connais mal en poésie, mais en écriture. Oh, comme un expert. Sire. Une folie en amène une autre. Monsieur de Provence, je vous assure qu'il n'y a eu folie que de votre part, et je m'étonne qu'un philosophe ait commis cette folie. Gardons cette qualification à votre quatrain. Sire, votre majesté est dure pour moi. La peine du talion, mon frère. Au lieu de faire votre quatrain, vous auriez pu vous informer de ce qu'avait fait la reine. Je l'ai fait, moi. Et au lieu du quatrain contre elle, contre moi, par conséquent, vous eussiez écrit quelques madrigales pour votre belle-sœur. Après cela, direz-vous, ce n'est pas un sujet qui m'inspire, mais j'aime mieux une mauvaise épître qu'une bonne satire. Horace disait cela aussi. Horace, votre poète. Sire, vous m'accablez. N'eussiez-vous pas été sûr de l'innocence de la reine, comme je le suis, répéta le roi avec fermeté, vous eussiez bien fait de relire votre Horace. N'est-ce pas lui qui a dit ces belles paroles ? Pardon, j'écorche le latin. Rectius hoc est, hoc faciens vivum melus, sic dulcis amicis ocuram. Cela est mieux, si je le fais, je serai plus honnête, si je le fais, je serai bon pour mes amis. Vous traduirez plus élégamment, vous, mon frère, mais je crois que c'est là le sens. Et le bon roi, après cette leçon donnée en père plutôt qu'en frère, attendit que le coupable commençât une justification. Le comte médita quelque temps sa réponse, moins comme un homme embarrassé que comme un orateur en quête de délicatesse. « Sire, dit-il, tous ces vers qu'est l'arrêt de votre majesté, j'ai un moyen d'excuse et un espoir de guérison. Dites, mon frère, vous m'accusez de m'être trompé, n'est-ce pas, et non d'avoir eu mauvaise intention. D'accord. S'il en est ainsi, votre majesté, qui sait que n'est pas homme celui qui ne se trompe pas, Votre Majesté admettra bien que je ne me sois pas trompé pour quelque chose. » Je n'accuserai jamais votre esprit, qui est grand et supérieur, mon frère. Eh bien, sire, comment ne serais-je pas trompé à entendre tout ce qui se débite? Nous autres princes, nous vivons dans l'ère de la calomnie, nous en sommes imprégnés. Je ne dis pas que j'ai cru, je dis qu'on me l'a dit. À la bonne heure, puisqu'il en est ainsi, mais... Le quatrain? Oh, les poètes sont des êtres bizarres. Et puis, ne vaut-il pas mieux répondre par une douce critique qui peut être un avertissement que par un sourcil foncé? Des attitudes menaçantes, mises en vers, n'offensent pas, sire. Ce n'est pas comme les pamphlets, au sujet desquels on est fort à demander coercition à votre majesté. Des pamphlets comme celui que je viens vous montrer moi-même. Un pamphlet? Oui, sire. Il me faut absolument un ordre d'embastiment contre le misérable auteur de cette turpitude. Le roi se leva brusquement. Voyons. Je ne sais pas si je dois, si. Certainement, vous devez. Il n'y a rien à ménager dans cette circonstance. Avez-vous ce pamphlet? Oui, sire. Donnez. Et le comte de Provence tira de sa poche un exemplaire de l'histoire des Teniotna, épreuve fatale que le bâton de Charny, que l'épée de Philippe, que le brasier de Cagliostro avaient laissé passer dans la circulation. Le roi jeta les yeux avec la rapidité d'un homme habitué à lire les passages intéressants d'un livre ou d'une gazette. « Infamie ! » dit-il, « infamie ! » Vous voyez, sire, qu'on prétend que ma sœur a été au baquet de Mesmer. Eh bien oui, elle y a été. Elle y a été ? S'écria le comte de Provence, autorisé par moi. Oh, sire ! Et ce n'est pas de sa présence chez Mesmer que je tire induction contre sa sagesse, puisque j'avais permis qu'elle allât à la place Vendôme. Votre Majesté n'avait pas permis que la reine s'approchât du baquet pour expérimenter par elle-même. Le roi frappa du pied. Le comte venait de prononcer ces paroles précisément au moment où les yeux de Louis XVI parcourent le passage le plus insultant pour Marie-Antoinette. L'histoire de sa prétendue crise, de ses contorsions, de son voluptueux désordre, de tout ce qui enfin avait signalé chez Mesmer le passage de Mademoiselle Oliva. Impossible, impossible, dit le roi devenu pâle. Oh, la police doit savoir à quoi s'en tenir là-dessus. Il sonna. Monsieur de Crone, dit-il, qu'on aille chercher Monsieur de Crone. Sire, c'est aujourd'hui jour de rapport hebdomadaire et Monsieur de Crone attend dans l'œil de bœuf. Qu'il entre. Permettez, mon frère, dit le comte de Provence d'un ton hypocrite, il fait mine de sortir. Restez, lui dit Louis XVI. Si la reine est coupable, eh bien, monsieur, vous êtes de la famille, vous pouvez le savoir. Si elle est innocente, vous devez le savoir aussi, vous qui l'avez soupçonné. Monsieur de Crone entra. Ce magistrat, voyant Monsieur de Provence avec le roi, commença par présenter ses respectueux hommages aux deux plus grands du royaume. Puis s'adressant au roi, « Le rapport est prêt, sire, dit-il. » Avant tout, monsieur, fit Louis XVI, explique-nous comment il s'est publié à Paris un pamphlet aussi indigne contre la reine. « Eteniotna, dit Monsieur de Crone. « Oui. » Eh bien, sire, c'est un gazetier nommé Rito. Oui, vous savez son nom et vous ne l'avez ou empêché de publier ou arrêté après la publication. Sire, rien n'était plus facile que de l'arrêter. Je vais même montrer à votre majesté l'ordre d'écrou tout préparé dans mon portefeuille. Alors, pourquoi l'arrestation n'est-elle pas opérée? Monsieur de Crone se tourna du côté de Monsieur de Provence. Je prends congé de votre majesté, dit celui-ci plus lentement. Non, non, répliqua le roi. Je vous ai dit de rester. Eh bien, restez. Le comte s'inclina. Parlez, monsieur de Crone, parlez ouvertement, sans réserve, parlez vite et net. Eh bien voici, répliqua le lieutenant de police. Je n'ai pas fait arrêter le gazetier Rito, parce qu'il fallait de toute nécessité que j'eusse, avant cette démarche, une explication avec votre majesté. Je la sollicite. Peut-être, sire, vaut-il mieux donner à ce gazetier un sac d'argent et l'envoyer se faire pendre ailleurs, très loin. Pourquoi? Parce que, sire, quand ces misérables disent un mensonge, le public, à qui on le prouve, est fort aise de les voir fouetter et se rier, pendre même. Mais quand, par malheur, ils mettent la main sur une vérité. Monsieur de Crone s'inclina. Oui, je sais. La reine a été en effet au baquet de Mesmer. Elle y a été, c'est un malheur, comme vous dites, mais je le lui avais permis. Oh, sire, murmura de Crone. Cette exclamation du sujet respectueux frappa le roi encore plus qu'elle n'avait fait sortant de la bouche du parent jaloux. « La reine n'est pas perdue pour cela, dit-il, je suppose. »« Non, sire, mais compromise. »« Monsieur de Crone, que vous a dit votre police, voyons ?»« Sire, beaucoup de choses qui, sauf le respect que je dois à votre majesté, sauf l'adoration toute respectueuse que je professe pour la reine, sont d'accord avec quelques allégations du pamphlet. D'accord, dites-vous. Voici comment. Une reine de France qui va dans un costume de femme ordinaire, au milieu de ce monde équivoque, attirée par ses bizarres et magnétiques de Mesmer, et qui va seule. Seule ? S'écria le roi. Oui, sire. Vous vous trompez, monsieur de Crone. Je ne crois pas, sire. Vous avez de mauvais rapports. Tellement exact, sire, que je puis vous donner le détail de la toilette de sa majesté, l'ensemble de sa personne, ses pas, ses gestes, ses cris. Ses cris ? Le roi pâlit et froissa la brochure. Ses soupirs même ont été notés par mes agents, ajouta timidement monsieur de Crone. Ses soupirs. La reine se serait oubliée à ce point. La reine aurait fait si bon marché de mon honneur de roi, de son honneur de femme. C'est impossible, dit le comte de Provence. Ce serait plus qu'un scandale, et sa majesté en est incapable. Cette phrase était un surcroît d'accusation plutôt qu'une excuse. Le roi le sentit, tout en lui se révoltait. Monsieur, dit-il au lieutenant de police, vous maintenez ce que vous avez dit, hélas, jusqu'au dernier mot, sire. Je vous dois à vous, mon frère, dit Louis XVI, en passant son mouchoir sur son front mouillé de sueur, je vous donne une preuve de ce que j'ai avancé. L'honneur de la reine est celui de toute ma maison. Je ne le risque jamais. J'ai permis à la reine d'aller au baquet de Mesmer, mais je lui avais enjoint de mener avec elle une personne sûre, irréprochable, sainte même. Ah, dit monsieur de Crome. S'il en eût été ainsi. Oui, dit le comte de Provence, si une femme comme madame de Lamballe, par exemple. Précisément, mon frère, c'est madame la princesse de Lamballe que j'avais désignée à la reine. Malheureusement, sire, la princesse n'a pas été emmenée. Eh bien, ajouta le roi frémissant, si la désobéissance a été telle, je dois sévir, et je sévirai. Un énorme soupir lui ferma les lèvres, après lui avoir déchiré le cœur. Seulement, dit-il plus bas, un doute me reste. Ce doute, vous ne le partagez pas, c'est naturel. Vous n'êtes pas le roi, l'époux, l'ami de celle qu'on accuse. Ce doute, je veux l'éclaircir. Il sonna. L'officier de service parut. Qu'on voie, dit le roi, si madame la princesse de Lamballe n'est pas chez la reine ou dans son appartement à elle-même. Sire, madame de Lamballe se promène dans le petit jardin avec sa majesté la reine et une autre dame. Priez madame la princesse de monter ici sur le champ. L'officier partit. « Maintenant, messieurs, encore 10 minutes. Je ne saurais prendre un parti jusque-là. » Et Louis XVI, contre son habitude, fronça le sourcil et lança sur les deux témoins de sa profonde douleur un regard presque menaçant. Les deux témoins gardèrent le silence. Monsieur de Crone avait une tristesse réelle. Monsieur de Provence avait une affectation de tristesse qui se fut communiquée au dieu Momus en personne. Un léger bruit de soie derrière les portes avertit le roi que la princesse de Lamballe approchait.